Théo. Comment se libérer de l'influence de quoi que ce soit, de toi surtout? Ben, si vous finissez par devenir comme moi, vous allez totalement libérer de moi. Est-ce que dans une réincarnation, on peut changer de sexe? Oui. Est-ce qu'on est... On peut changer... On peut peut-être être des parties d'une ancienne femme? Ou de plusieurs anciennes? Non, c'est des parties de plusieurs anciens bonhommes. Il peut y avoir des réincarnations féminines aussi? Oui, sauf que dans la majorité des cas, les réincarnations féminines sont attirées par des corps féminins. Est-ce qu'il y a une relation entre l'homosexualité et les réincarnations? Oui. S'il y a plus de réincarnation du sexe opposé que ton corps physique, tu vas avoir des tendances de l'autre côté. Des tendances. Plus que des tendances, c'est... Okay. Effectivement, ça dépend de la génétique, ça dépend de ton système endocrinien, et nécessairement, ça dépendra donc, finalement, de ce qui va être attiré par le corps. Pourquoi est-ce dangereux de faire des dons d'organes? Ben, c'est parce que de temps en temps, ils acceptent vos dons avant même que vous soyez mort. C'est le premier danger. Vous avez 52 ans, accident d'automobile, réchappable mais amoché, dans la chambre d'à côté, 18 ans, super cute, besoin de deux reins. Peut-être que vous êtes mort en arrière à l'arrivée, on ne sait pas trop. Alors on prend les reins et on les greffe. C'est une problématique, c'est que c'est toujours un peu risqué de signer son permis de conduire. Maintenant, pour le reste, ce n'est pas dangereux du tout. Simplement que c'est même très plaisant de faire un don d'organe, parce qu'en faisant un don d'organe, on se réincarne, on s'assure une réincarnation dans une nouvelle lignée génétique. Une grande partie de l'organe contient encore de notre sang, contient des vibrations qui ont été accolées à notre âme depuis notre naissance, et donc une grande partie de nous allons habiter aussi avec l'autre. C'est pourquoi celui qui reçoit un don d'organe, bien souvent, a l'impression que l'autre vit encore chez lui. C'est une impression pour lui, mais en réalité, c'est vrai. Alors, il n'y a pas de danger de faire de dons d'organes du point de vue évolutionnaire, et il y a encore moins de danger de recevoir un organe. L'individu qui reçoit un organe va de toute façon finir par digérer l'organe, c'est-à-dire qu'il va digérer, non pas l'organe lui-même, c'est un rejet, mais il va digérer le phénomène, la vibration, l'harmonique astrale qui entoure l'organe. Alors, veut pas, il va supporter un peu de l'expérience de l'autre, mais tu as le choix entre, par exemple, mourir ou supporter un peu l'expérience de l'autre, c'est donc plus bénéfique de recevoir un organe. Celui qui reçoit est gagnant, celui qui donne est gagnant aussi. Du point de vue évolutionnaire planétaire, tout le monde est gagnant. Le seul petit danger, évidemment, c'est le médecin. Si on est sûr qu'on est mort, donc on élimine cette possibilité-là. Si le corps est... Est-ce que c'est pas une façon d'être immortel automatiquement? Ben, de toute façon, si tu as eu des enfants ou si tu as imprégné des enfants, tu es déjà... De toute façon, l'être humain est immortel. L'être humain n'est pas immortel, mais l'être humain est immortel en même temps. Tout ce qui constitue l'être humain est immortel, mais l'être humain constitué n'est pas immortel. Il peut devenir immortel, mais il ne l'est pas présentement parce qu'il gagne le monde de la mort ou il se dissout. Le fait de donner un de tes organes à quelqu'un d'autre, ça te permet, il y a une partie de ton âme, donc de toi, qui va se retrouver chez l'autre, mais qui sera de toute façon digérée par l'autre. Alors, c'est une façon, mais c'est pas... Il y a d'autres façons? Ouais, il y a d'autres formes d'immortalité aussi. Cette semaine, un haut placé iranien a déclaré qu'il fallait tuer soit des Américains, des Anglais ou des Français. Il n'y a pas beaucoup de touristes, là, cette semaine. Est-ce un signe des temps que la Troisième Guerre mondiale est très proche et inévitable? Tout est possible et l'avenir est toujours en mouvement. Malgré que les historiens parlent d'une guerre globale, ils se trompent de temps en temps. Est-ce que c'est un signe des temps? Les signes sont toujours des signes des temps. C'en est un. Je veux couper le lien avec mes lignées familiales et le monde de la mort. Si je brûle mon certificat de baptême, est-ce qu'on va essayer de me récupérer de quelle façon? Bon, ben c'est sûr que brûler le certificat de baptême, ça peut ne pas être suffisant. J'expliquais bien que c'est au niveau de l'ego qu'il doit y avoir des changements. C'est un exemple pratique, c'est un exemple symbolique, ça dépend aussi du niveau d'ego. Il y en a qui ont besoin, pour être convaincus qu'ils restent ensemble, d'une symbolique qu'on appelle le mariage. Bon, il y en a qui ont besoin de différents symboles. Brûler le baptême est aussi un symbole, quoique ça le trait un peu plus à la spiritualité, mais l'ego étant un être spirituel, totalement spirituel et absolument pas mental, nécessairement, ça peut lui être utile. Alors, il y a ça ou plusieurs d'autres mécanismes qui sont mentaux et qui peuvent permettre à l'humain de se couper un peu de ses lignées familiales. Qu'est-ce qui peut être les réactions, là, quand... Bon, est-ce qu'on va essayer de me récupérer, De toutes les façons. Il n'y a pas une façon plutôt qu'une autre, de toutes les façons. Mon mère, papa, petit frère, soeur, le reste de la famille vont évidemment essayer. De quelle façon, c'est qu'on va t'inviter à Noël, on va te donner des obligations familiales, rétroactives, t'occuper de tes parents. On va te signifier que tu appartiens à une lignée. Et tu peux aussi couper, là. Et de quelle façon, par le fait, on va vouloir te ramener, c'est simplement par la culpabilité. Si tu n'es pas culpabilisable, c'est réglé. Avec la culpabilité, c'est la clé manipulatrice. Oui. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que c'est un travail qui est sérieux. Tu te coupes de tes parents. 2 ans plus tard, tes parents meurent d'un accident d'automobile et te lèguent 250 000 $. Tu les refuses. Tu m'appelleras si tu refuses. Ah, je t'appellerai. Tu veux ramasser le karma de mes parents. Ça ne dérange pas. C'est ce que ça fait. Mais moi, ma vie est trop importante pour ramasser le karma de mes parents. Mais est-ce qu'un héritage, c'est obligatoirement... L'héritage, c'est toujours un karma, et puis habituellement, le karma est noir, donc c'est habituellement un problème. Maintenant, si tu es coupé de si astralement, donc amiquement, égoïquement, tu t'es coupé de la lignée génétique de tes parents, fais attention pour qu'on ne te lègue rien. Mais il y a un autre danger total. Celui où un adulte vous adopte. Alors, une personne de 60 ans peut t'adopter. Personne de 50 ans peut t'adopter. Et elle peut décider qu'elle va partager si un jour il y a ceci, cela. Elle peut te considérer comme son fils, comme sa fille. On vient te donner une nouvelle lignée génétique. Astrale, pas biologique, astrale, toujours. Et c'est à refuser. Reste libre, libre. Est-ce que dans l'acceptation d'un testament ou d'un legs par testament, il y a toujours du karma? Si tu es complètement séparé émotivement de ta famille puis que ça arrive, tu le refuses quand même. Même si c'est peu importe la valeur, ça peut être un manteau de fourrure, ça peut être un livre, ça peut être n'importe quoi. Un objet. Oui, ça te regarde pas. La seule façon d'accepter un héritage, c'est si celui qui donne a prévu une épreuve pour aller le chercher. S'il y a une épreuve de prévu pour aller le chercher, il n'y a aucun problème, tu paies ton karma en allant le chercher. Exemple, te tenir sur un doigt pendant un an sur la table de billard du magasin du coin ou retrouver le bracelet de grand-maman gâteau perdu dans le fin fond d'Amazonie, puis avant 362 jours, heure pour heure, bon. Sinon, ça s'en va toujours au méchant, puis le méchant va te faire t'empêcher de l'avoir. Alors, s'il y a une épreuve, il n'y a pas de problème, c'est acceptable. C'est comme si on travaille, puis on va gagner notre salaire. De toute façon-là, c'est correct. Sinon, on est encore... C'est la même chose pour la loterie? La loterie, c'est toutes les formes de loterie où tu as quelque chose à rajouter. 5 plus 5 moins 2. Tu le mets, on te paye 1 800 000 $ pour ça. Mais toutes les loteries intelligentes, il y a toujours un petit travail qu'on te demande, histoire d'éliminer totalement le contact karmique entre le gagnant et celui qui donne. Parce que finalement, tu ramasses la pièce de 1 800 000 personnes quand tu gagnes 1 800 000. Oui, alors normalement, sur les billets de loterie, quels qu'ils soient, il y a toujours la petite question mathématique que tout le monde fait avec une pitonneuse, là. Donc, les gens se disent, oui, à quoi ça sert? Ça sert à ça. On ne veut pas ramasser ton karma. L'humain, ce n'est pas ce qu'il fait, mais bien souvent, il le fait bien. Puis jusque-là, on le voit bien fait aussi. Il y a l'épreuve pour aller le chercher. Puis cette épreuve niaiseuse, là, mais l'épreuve pour aller le chercher pareil. Est-ce qu'un mouvement perpétuel est réalisable dans un avenir possible et à quoi peut-il servir? Le mouvement est de toute façon perpétuel. C'est juste que son cycle dépasse la vision de conscience de l'humain. Les soleils éclatent, les gaz stellaires se réunissent, recréent de nouveaux soleils qui se condensent. Lentement, le soleil redevient de plus en plus chaud, de plus en plus puissant. Il gagne en volume, il rééclatera. Ça, c'est à coups de milliards d'années. Le mouvement est perpétuel. La question est sans doute ce qu'on est capable d'avoir dans un contexte chronométrique seconde, minute ou heure, un mouvement perpétuel? Non? Et oui. Belle réponse. Oui, c'est que dans la compréhension de la technologie actuelle ou de l'astrophysique et de la physique actuelle, non. Quand on va être capable d'engendrer quelque chose d'autre, on aura un mouvement qui aura l'apparence d'être perpétuel, même s'il ne le sera pas. Un automobile qui roule continuellement sans essence, ça se peut. Sans aucune force énergétique, non. Sans aucune force énergétique conventionnelle connue, oui. Alors, du point de vue de ceux qui ne comprennent rien, ils auront l'impression que l'automobile a un mouvement perpétuel. Alors qu'en réalité, il y a quand même un déplacement énergétique dans un phénomène perpétuel qui s'échelonne sur des milliers, sinon des millions, sinon des milliards d'années. Existe-t-il des êtres qui ont déjà atteint l'immortalité? Oui. Lesquels? Ah, ben ça les regarde. Hein? Souvent, je rêve à mes parents qui sont morts dans le rêve, dans le rêve, ils sont toujours vivants. Oui, c'est vos parents qui pensent à vous. Ils vous cherchent. Mais ils savent pas où on est? Oui, mais si présentement ils sont en Afrique. Ah, ils sont... ouais. Il faut attendre qu'ils soient revenus. Mais qu'est-ce qui arrive quand on rêve à des gens qu'on connaît comme ça qui sont décédés? Est-ce que c'est parce que réellement ils cherchent à se réincarner? Oui, absolument. Sauf que la meilleure chose, évidemment, c'est de ne pas rêver à eux, de ne pas les réincarner. Quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, je suis pas capable, je rêve, je contrôle pas mes rêves. » Ben, rêver à eux, réincarner, là, c'est tout. Apprenez à les digérer. « Oui, mais moi, j'arrive pas à digérer. » Ben, digérer les pas, puis c'est tout. Bon. Quand on peut pas, on peut pas. Dans combien de personnes Lazare est-il réincarné? 5. Y en a-t-il au Québec? Oui. Si oui, quel nom porte le corps dans lequel il se réincarne? Ici, il s'appelle corps physique. C'est le nom du corps. Qui êtes-vous ou qui es-tu? Oui, ben, qui nous sommes? Nous sommes comme la majorité des humains. Nous sommes un corps physique, un corps vital, un tout petit corps astral, un phénoménal corps mental et des contacts supramentaux avec extraterrestrement un corps supramental. Puis qui je suis? Ben, je suis simplement le corps supramental présentement qui parle à travers le reste des véhicules. Admettons que je réincarne des mémoires de sportifs qui eux-mêmes réincarnaient des mémoires de sportifs et ainsi de suite. Alors, qui a manipulé le premier sportif à être sportif? Quelle mémoire réincarne-t-il? C'est un smilodon, un dent avec des... un tigre avec des dents en forme de sabre qui courait après. Le chasseur qui est devenu sportif. Question. J'ai lu les livres de... Juste sérieusement, c'est quand même réel ce que je dis là, là. C'est réel. Puis par la suite, c'est les guerres. Finalement, vu qu'il n'y a plus assez de guerres, puis que les soldats veulent continuer à se mesurer les uns aux autres, ils ont créé les sports guerriers, lancer du javelot, lancer du poids, les sports marins. Et finalement, c'est toujours à partir de la copie de cela que lorsqu'on arrive en paix, la guerre doit continuer, ça devient des sports, comme le hockey. Bon, alors, le hockey, c'est deux sports, c'est la boxe, puis... Un paquet de gars qu'on connaît pas, qui essaient de pousser une rondelle qui leur appartient pas dans un but qui leur appartient pas non plus. Ça, c'est le hockey. Alors, c'est ce qui crée le sport, les mémoires, l'expérience, puis à un moment donné. Le lancer du poids karmique, ça va aussi être aux Jeux olympiques? Ça existe déjà, c'est les prêtres qui font ça. Question. J'ai lu les livres de Raël il y a plusieurs années. Y a-t-il un nouveau réincarnationnel au travers soit le vécu raélien ou la méditation dite sensuelle ou philosophiquement des traces amiques de cette région galactique qui se trouve à être digérée? Il y a une autre question après. Bon, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que Raël est vivant, je ne veux pas trop répondre de ces choses-là, autant que le mouvement raélien canadien existe. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'êtres humains présentement qui ont besoin de passer par ce chemin, temporairement ou éternellement. Et lorsque l'on parle de certaines visions cosmiques d'un chemin, il y a des individus qui, émotivement, ont de la difficulté à saisir ce que l'on veut dire. Il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a pas de bon chemin, il n'y a que des chemins. Est-ce que ça amène des réincarnations de phénomènes, par exemple, galactiques, qui se trouvent à digérer si la personne parle de la provenance des Elohim? Non, parce que les Elohim proviennent de la Terre. Alors, si on pose la deuxième question. Dans un contexte comme aujourd'hui, où l'homme doit plutôt être un homme d'affaires pour être heureux, est-ce que cette digestion doit être extrêmement difficile? On digère des phénomènes planétaires, la digestion est toujours difficile. Ça dépend à quelle vitesse on a mangé. Pour se débaptiser, est-ce possible de le faire en changeant la façon d'écrire son prénom tout en gardant la même prononciation? Exemple, Gilles, U-L-L-E-S, pour Gilles, G-I-L. Est-ce qu'on peut aussi rajouter une petite lettre? Disons, René T. Garneau, au lieu de René Garneau. Juste une lettre entre les deux. Oui, aucun problème. Sauf que c'est toujours une question d'ego. Ça reste encore la symbolique. Bon, la symbolique, elle a une utilité pour l'ego. Ne veut pas. Mais il faut maintenant que l'ego accepte la symbolique. Il faut que l'ego comprenne qu'il a décidé de changer de nom et que le nom n'est pas que... Ce changement de nom n'est pas un jeu, mais une authenticité. Si Pierre décide de s'appeler Marcel, alors Pierre, Marcel maintenant va dire « Oui, mais tu sais, c'est pas mon vrai nom. » Mais quand tu es venu au monde en corps de chair, le nom qu'on t'a donné est aussi fictif, aussi risible que le nom que tu te donnes. C'est aussi faux ou aussi vrai. C'est pas parce que ça fait 30 ans qu'on traîne la farce que maintenant elle n'est plus une farce. Alors effectivement, il faut que le gars comprenne que changer de nom, c'est aussi réel que de s'en faire donner un nom, c'est la même chose. Si tu t'appelles en sortant de l'université, docteur... Moi, je m'appelle jamais, je suis toujours rendu. OK. Si tu te nommes, non pas toi, un autre. Quelqu'un qui sort de l'université qui s'appelle docteur Jean-Paul Turbide. Il vient de le changer. Le fait de mettre le docteur en avant de son nom. Il se connecte à des égrégores de docteur. Puis est-ce qu'il vient d'oublier ses lignées réincarnationnelles non. familiales? Non, parce que lui, son ego reste assujetti à ça, mais maintenant, son nombre de formes vestimentaires, maintenant, c'est l'ombre de forme du nom. On rajoute docteur ou maître, ou etc. Puis il se connecte à un égrégore particulier où il y a des docteurs, donc du jour au lendemain, il devient. Soit plus noble, soit plus ceci, soit plus riche, soit plus cela, il se relie. Si au moment où ça se produit, consciemment, l'individu disait, même s'il veut le dire, que c'est par snobisme... Faut qu'il élimine le mot docteur. Non, s'il disait, je laisse... À partir d'aujourd'hui, je suis docteur Jean-Paul Turbide. Faut qu'il élimine le mot docteur. Jean-Paul Turbide est mort. Faut qu'il élimine le mot docteur. OK. Pourquoi? Parce qu'il se connecte à l'égrégore des docteurs. Okay. Fait qu'il lance une lignée pour se connecter à une autre lignée. C'est pas... C'est pas mieux. Il change 40 sous pour une pièce. Est-ce possible, Daniel, que non, tu... Non, 4,25 cents. 4,30 sous, ça fait une pièce et 20. US, canadien, ça fait une pièce... Puis maintenant? Est-ce possible, Daniel, que tu aies... Je ne sais pas c'est quoi le mot. La philosophie logique, parce que tout ce que tu dis semble logique à la raison. Tout est possible. Ça, c'est des questions qu'il faudrait me poser comme ça. Je l'apprends, là. Mon code génétique actuel date de 200 000 années et je suis de la 10 000e génération. Ma première mère était noire, aux cheveux noirs, longs, presque au bas du dos, et venait d'Afrique du Nord. Ma question, est-ce que la Bible se trompe quand elle dit que Ève, notre première mère, date de 5295 années? Si oui, comment se fait-il? La Bible ne se trompe pas. Elle ne se trompe jamais parce qu'elle n'a pas la prétention d'amener la vérité. Elle amène des mots qui doivent être interprétés par les âmes. La Bible s'adresse, comme tous les livres sacrés, uniquement aux égaux, aux mémoires réincarnationnelles et aux âmes. C'est la matière obligée par les divinités grégoriennes du monde de la mort qui est placée sur la terre pour permettre à certains égaux, lorsqu'ils se réincarnent, de se rappeler leur obédience. 5000 ans en arrière, le début de la... quatrième sous-race de la race Blanche-Mère commençait. Et si on se fie aussi à la Bible, lorsqu'à un moment donné, parmi les enfants d'Adam et Ève, il y en a un qui est banni, il s'en va dans les montagnes rejoindre les autres humains. Lorsque Noé, après le déluge, arrive, il s'établit. Et encore là, on aura des mélanges avec les autres humains. Alors, il y a eu cinq, mais la sixième est commencée. Il y a eu cinq races mères majeures. La première, amibidienne, c'est-à-dire qu'elle ressemblait à une amibe, totalement transparente. La Terre est extrêmement gazeuse, il n'y a pas de solide. C'est une nébuleuse en formation, enfin, c'est une planète nébulique en formation. Race transparente ou race blanche d'origine. La deuxième, en hyperborée, une partie du Québec. La terre du Groenland, la Norvège, la Suède, etc. est une race qui va commencer à se densifier. Elle commence à être un peu plus opaque, on l'appellera la race jaune. Les cellules sont toujours uniques. Migration en Lémurie, c'est-à-dire la majorité de la planète Terre, qui se solidifie lentement en croûte, va supporter une race de plus en plus opaque à la lumière, et on l'appellera race noire. C'est pas la peau, elle est opaque. Suite à la Lémurie, il y aura sexualisation, évidemment il y aura pluralisation cellulaire, complexité cellulaire, il y aura sexualisation. L'origine d'Adam et Ève, on la visualise là dans la création de l'homme et de la femme, bien qu'on reporte à 5000 ans, c'est-à-dire dans les contextes indo-européens, le phénomène biblique. Lorsque ces animaux humains vont commencer à recevoir de l'âme, ils auront une hémoglobine rouge qui va communiquer, transporter par le sang les hormones et en même temps leur vibration astrale. La croûte se solidifiant, s'effondre, une partie reste, c'est l'Atlantide. Et étant donné que les races qui sont là ont un sang rouge qui circule et qu'on voit le sang, ils porteront donc le nom ésotérique de race rouge. Par la suite, la peau va recouvrir les corps. Recouvrant les corps, on parlera de la race blanche. Nous sommes la cinquième sous-race de la cinquième race mère blanche. Et lorsque la Bible commence, elle débute dans les débuts de certaines sous-races de la race mère blanche. Et on est présentement à l'apogée, on est rentré depuis 1967, convenablement du point de vue astral, un peu avant du point de vue physique, dans pas grand temps du point de vue mental, et dans quelques temps encore du point de vue supramental, dans une ère nouvelle qui est l'ère du Verseau, ou l'ère aquarienne, ou l'ère piscéenne, l'ère du poisson reste en arrière, et on rentrera dans une race neuronique bleue. J'ai commencé, il y a des gens dans la salle ici qui font partie génétiquement des prémices de la race bleue. Est-ce que la peau devient bleue? Non. Comme ma peau n'est pas blanche, la nappe est blanche. Bon. Alors, Adam et Ève, et etc., etc., la Bible ne se trompe pas. Ce n'est pas un livre qui est fait pour se tromper ni pour dire la vérité. C'est un livre qui est fait pour rappeler à l'humain d'où il vient. À l'âme de l'homme, d'où il vient. Pas à l'humain, à l'âme de l'homme. Vas-tu tout être comme Brian Mulroney quand on va être de la race bleue? Depuis qu'il est là, le pays est Mulroney, j'espère que non. Mon ange de protection est Barbiel. Qui est-il? Quelle est son origine? Quelle est sa hiérarchie angélique? Si j'ai bien lu. Il y a des serpents ici. Bon. Oui. Je commence? Oui. Mon ange de protection est Barbiel. Qui est-il? Quelle est son origine? C'est un ange de protection. Ce qui est. Quelle est son origine? Angélique. Quelle est son hiérarchie, je pense. Sa hiérarchie. Angélique. La hiérarchie angélique. Serviteur de l'homme, donc ce qu'il y a de plus beau au niveau angélique. À quoi sert-il? À rien. Non, il est serviteur de l'homme. C'est le canal réincarnationnel, c'est une des parties qui relie les êtres contrôle au monde de la mort. Il sert simplement à préserver la sécurité de l'ego. L'autre jour, en janvier 89, j'ai volé avec lui, sans le connaître, et je sais que c'était lui. Je suis ascendant Capricorne. Il n'y a pas de question. Oui. La journée où cet ange-là va disparaître, vous allez être plus libre, plus mental, plus réveillé, plus fonctionnel, plus insécure, mais mieux. Y a-t-il d'autres manières de fusionner l'ego à part le voyage dans d'autres lieux physiques? Oui. Lesquels? La négoïsation. C'est-à-dire s'obliger à s'astreindre, s'obliger à vivre une vie suffisamment pareille pendant suffisamment d'années. Lorsqu'une personne rentre dans un monastère, lorsqu'une personne rentre dans un ashram, lorsqu'une personne fait 35 ans la même vie, reste dans la même maison, ne déménage jamais, elle fusionne son ego, c'est-à-dire que l'expérience de la vie étant tellement pareille que ça finit par englober tout ce qui peut se réincarner. Il n'y a à peu près plus rien qui se réincarne là-dedans, puis l'ego se fusionne. Est-ce que la balloune est pleine? La balloune, non, elle n'est pas pleine. Il en reste en masse de place, mais vu que c'est tous les mêmes genres d'expériences qui sont stimulées, ça crée nécessairement un ennui mortuaire dans l'ego. Cet ennui mortel va faire en sorte d'obliger une chose ou l'autre. Donc, tu as trois choix. Le déménagement d'endroit, l'abandon d'un emploi, enfin, chercher quelque chose de neuf, ça peut être aussi le voyage. Ça peut amener cela. Ça peut amener le suicide et ça peut amener aussi l'étranglement du canal réincarnationnel puis l'ouverture de la justesse de pensée du point de vue fonctionnel. Maintenant, quand on peut voyager, c'est préférable de voyager. Tu peux partir 6 mois, 1 an, 1 mois, 2 semaines, 2 ans. Quand on peut voyager, c'est préférable de voyager. Pourquoi? Parce que premièrement, ça va finaliser d'une façon plus facile et plus intelligente, parce que moins souffrante, la fusion de ton ego. En plus, il n'y a pas le risque de suicide. Par contre, celui qui n'a pas le goût de voyager, celui qui ne peut pas voyager, devra donc s'arranger pour connaître la mécanique et travailler réellement sur son évolution de façon à étrangler le canal tout en ouvrant l'ajusteur de pensée pour que l'ego ne décide pas dans son ennui mortel de tuer le corps physique pour regagner le monde de la mort. Si tu changes d'emploi ou de femme? Si tu changes d'emploi, ça dépend de l'emploi. Si c'est pour... ça dépend. Parce que l'intelligence peut être obligée de changer d'emploi à un moment donné parce que c'est le temps pour ton ego d'être un égoïsé. C'est le temps pour ton cerveau de travailler à autre chose, de façon à ce qu'il se travaille, se mute un peu, se programme un peu différemment, pour permettre au mental de se développer, pour permettre à l'ajusteur de pensée de bien atterrir. Alors, ça dépend, il y a tellement de motivations, de structures mécaniques qui peuvent te faire changer d'emploi. Au niveau de la fusion d'ego, c'est une des choses. Évidemment, il reste une autre solution intéressante, c'est le mental qui décide de programmer et d'instruire l'ego, de ce que l'ego doit être. Ça se fait aussi. Ce sont des techniques qui existent, là, qu'on peut apprendre mentalement ou astralement et qu'on peut appliquer. Lorsque le temps est venu de changer de mémoire réincarnationnelle, non fusionnée, et qu'en même temps j'ai la capacité d'étrangler le canal réincarnationnel, est-ce que les mémoires non fusionnées vont partir pour laisser place à un ego fusionné? Non. Ces mémoires devront être fusionnées. Si on étrangle le canal, les mémoires qui sont à l'intérieur ne peuvent pas sortir. Et ceux de l'extérieur ne peuvent pas rentrer. On devra donc les digérer. Les produits capillaires pour la pousse ou la coloration des cheveux ont-ils une influence sur les neurones? Non. Les racines des cheveux ne vont pas assez loin. Ça n'a aucune influence. Explique la montée d'Ézéchiel dans le ciel. Bon. On finit le reste des questions. Ça risque de me réchauffer assez pour me lancer. Pour la nuit. Comment s'exercer... Je ne voudrais pas être marié avec toi. Comment s'exercer à ne pas permettre à l'astral de venir bêtement... Ça donne bien. Je recommence. Comment s'exercer à ne pas permettre à l'astral de venir bêtement souffler son nuage dans ta tête? Exemple. Je suis en voiture et plutôt que de laisser le mental libre, je pense au voyage que j'ai fait. Je m'en rends compte et je chasse cette idée du passé de ma tête. Mais de quoi nourrir le mental à ce moment pour ne pas qu'il retombe sous l'emprise de l'astral? J'ai l'impression que lorsque je ne suis pas coloré par l'astral, rien ne se fait, je ne pense plus. J'observe, je vis cet instant présent. Mais comment accéder à un développement intelligent du mental? On croirait qu'il y a une brume cosmique qui empêche le mental de se brancher, connecter, de se développer, et je m'en rends compte. Fin de première question, il y en a une deuxième. Bon. C'est une mécanique qui est extrêmement facile à expliquer. Lorsque le canal réincarnationnel est en contact avec l'ego du monde de la mort, descend suffisamment d'informations pour stimuler l'ego, ce qui donne le goût de vivre, le goût de faire des choses. Canal étranglé ou si le mental parvient à chasser la pensée, comme dans le cas de la question ici, le canal, l'ajusteur de pensée, s'il n'est pas suffisamment agrandi ou suffisamment efficace, est branché. Soit sur le canal réincarnationnel, vu qu'on chasse la pensée par le mental, on chasse les deux entrées, ou il est déconnecté et il se promène dans le plan moronciel. Il y a donc le monde de la mort. À l'intérieur, il y a le monde de la vie, la terre. Entre les deux, le plan moronciel. L'ajusteur de pensée, lorsqu'il flotte là-dedans, ramasse de l'énergie. Cette énergie n'amène aucune information gustative pour l'ego. Autrement dit, l'énergie qui pénètre par le plan moronciel, à part relaxer, nourrir, guérir, n'amène rien comme information. Nécessairement, l'ego, n'étant pas stimulé par le monde de la mort et n'étant pas stimulé par l'énergie moronciel du plan vital, ne fait rien. Et c'est pourquoi l'individu doit se développer d'une certaine façon pour ne pas être restreint à un moment donné à être un mental inefficace. Un mental écrasé sur une chaise qui attend que quelqu'un lui dise de se lever, parce qu'il y a des façons de le développer, par un contrôle de l'ajusteur de pensée, par un contrôle du contact, l'ajusteur de pensée va finir par gagner le monde de la mort. Là, il y aura restimulation du monde de la mort dans l'ego, filtré par un ajusteur de pensée, non pas directement du canal réincarnationnel. Alors, l'individu redevient efficace, va retrouver le goût de vivre, retrouver plusieurs plénitudes avec un ajusteur de pensée qui va donc travailler avec un rectificateur, et il ne pourra pas se faire manipuler de la même façon que présentement. Lentement, l'ajusteur de pensée va continuer à grimper dans le monde de la mort et va rejoindre des mémoires supramentales dans le monde de la mort. C'est-à-dire de l'énergie supramentale astralisée. Donc, les mémoires de tout ce qui a été mené sur la planète Terre par des antennes supramentales, des conférenciers, des écrivains. Et l'individu se reliant là devient un être humain connecté au plan supramental astralisé, et il aura maintenant la faculté de répondre à ces questions en fonction de ce qui a déjà été répondu sur la Terre. Le danger à ce niveau-là, c'est que l'individu devienne ce que j'appelle un MTS, un martyr de la transition supramentale. C'est-à-dire qu'il a encore de l'ego. Et connecté dans un réservoir supramental, l'ego peut s'illusionner qu'il est maintenant connecté totalement au plan réel d'intelligence supramentale. Et parce qu'il a de l'ego, il va commencer à parler contre certaines personnes, à devenir violent, agressif, à ne pas être capable de s'ajuster. Enfin, il y a tout un phénomène intéressant à décoder là-dedans. L'individu qui doit passer par là, de toute façon, devra être guidé par l'antenne qui a créé le réservoir. Donc, un individu qui commence doit de passer à travers cela avec l'antenne qui l'a connecté. Et par la suite, il va poursuivre au-delà du réservoir supramental astralisé pour atteindre le monde supramental qui est au-delà du mental planétaire, donc au-delà de l'astral planétaire. Lorsque son ajusteur de pensée, son canal, parvient au phénomène supramental, il devient totalement libre. Pas moi non plus, je courrais pas après vous autres. Je cours vite, mais dans l'autre sens. Alors donc, l'humain qui parvient là est maintenant libre. Il va devenir une antenne supramentale pour autrui, et nécessairement, ceux qui vont passer par son réservoir à lui devront être accomplis par lui. Il y a des individus qui, à un moment donné, vont fouiller dans deux réservoirs supramentaux différents. Il n'y a pas de problématique. Pourquoi? Parce que l'énergie qui est réincarnée dans le corps physique de cet individu-là est une énergie qui est d'obédience de deux faisceaux plutôt qu'un, donc de deux canaux. Étant donné qu'il est capable de jouer dans un des deux réservoirs ou dans les deux à la fois, à un moment donné, les deux vont le connecter ou il va choisir un des deux réservoirs. Il devra passer pareil par celui qui aura rempli le réservoir qu'il aura choisi pour finir par être connecté à l'énergie supramentale. Puis est-ce qu'à ce moment-là, tu as toujours la possibilité de changer de canal, de réservoir, ou si tu... Non, à partir tu vas jouer dans les deux jusqu'à un moment donné où tu vas embarquer dans un des deux. L'autre n'est pas nécessairement mauvais, ça n'a rien à voir, mais à un moment donné, l'individu va rentrer par un chemin. C'est extrêmement... Faut-tu sortir d'une maison qui a deux portes, on sort par une ou par l'autre. On rentre dehors. C'est pas faisable, et c'est très pénible, du moins, de le faire, d'essayer de rentrer dehors par les deux portes en même temps. Alors, il n'y a pas une porte qui est plus mauvaise que l'autre, qui est plus bonne que l'autre, ça n'a rien à voir. Il y a deux portes pour rentrer dehors. Sortir des limites de la maison, sortir de l'esclavage, de l'astral. Alors, l'individu, à un moment donné, va simplement regarder un paysage, c'est dehors. Ouais, je suis pas dans la cour en arrière, puis dans la cour en avant, c'est pas aussi beau. Ça, c'est dans le domaine de notre maison ici. Mais au niveau supramental, c'est identique. Tu sors dehors, c'est déjà intéressant. C'est comme sortir de la prison par en arrière ou par en avant. Tu n'es plus dans la prison, on m'a dit franchement. Moi, tu fais des radis en avant, puis des violets en arrière. Je ferai le tour de la maison après. Quand fonderas-tu une école pour enfants nouveaux? Ce serait extrêmement intéressant. Il faut énormément d'énergie pour fondre une école. Et il faut un grand moule. Bon, alors, une école pour enfants nouveaux. Les enfants sont prêts. Le seul problème, c'est que qu'est-ce que les enfants vont faire quand ils vont devoir retourner chez eux? Parce qu'il va y avoir un problème, les parents. Parce que si les enfants sont formés comme les enfants doivent être formés, il y a des adultes qui vont tomber. Alors, présentement, il est à l'étude avec différents intervenants du domaine public, privé. Il y a des possibilités, à un moment donné, qu'une espèce de centre d'ajustement pour enfants Teflon se forme. C'est dans l'astral. Peut-être que ça va être matérialisé. Centre d'ajustement pour enfants Teflon du Québec. Il y a plusieurs milieux. Je n'en parle pas pour l'instant parce que ça permettrait à des gens de s'écriter sur le phénomène et ça nuirait. Mais il y a des choses qui se font. Quand il y aura suffisamment de personnes pour pousser, il va se passer quelque chose. Moi, je ne ferai rien, c'est l'humain qui va le faire. Puis il y a des humains, nécessairement, qui vont avoir des places à l'intérieur de ça, soit pour travailler, soit pour s'en sortir. Mais, pousser plus fort. Est-ce que l'école va être pour les parents ou pour les enfants? Le centre va être 4/5 pour les adultes, puis 1/5 pour les enfants. Les jeunes ont presque pas de problème. Faire croire aux parents que c'est pour les enfants, puis c'est les parents qui vont... Comment se fait-il qu'il y ait tant d'entités qui n'ont pas intégré le monde des morts? Il n'y en a presque pas, mais étant donné que l'être humain est en contact réincarnationnel avec le monde de la mort, les entités se servent de l'humain pour pouvoir créer des copies plus ou moins manquées de l'humain. Exemple, une entité, à un moment donné, est capable de faire bouger des objets dans une maison. Un esprit tapageur. C'est pas un esprit, c'est une entité tapageur, mais les humains appellent ça des esprits. Astral qui les oblige à colorer les mots. Alors, on va dire comment ça se fait que s'il est dans le monde de la mort, premièrement, elle ne peut pas faire bouger les objets, donc l'entité se promène quelque part dans la maison. Il y a énormément de souvenirs dans la maison pour attirer les personnes qui ont connu ou fabriqué ces souvenirs-là. À l'époque, ils ne fabriquaient pas des souvenirs. Et maintenant qu'on conserve les affaires du passé ou la maison du passé, on permet l'attraction. Maintenant, ces entités viennent du monde de la mort. Ils descendent par un humain, l'humain qui a le périsprit le plus faible, donc l'humain le plus sensible, le plus manipulable, le plus hypnotisable, le plus influençable. Et à travers cet humain, ils vont obliger l'énergie vitale du corps physique de cet humain-là à être rejetée à l'extérieur. Rejetée à l'extérieur, l'humain va devenir encore plus sensible, plus influençable. Et s'il n'y a pas suffisamment d'énergie, il y en aura possiblement suffisamment pour bouger des objets à distance. Maintenant, mieux que ça, lorsque l'individu est capable d'avoir accès à des ressources énergétiques, ou bien s'il y a plus d'individus dans la maison, ou suffisamment d'énergie vitale dans des souvenirs vivants, des statues de bois, des meubles de bois, des tissus en laine, en lin, en coton, des choses qui contiennent suffisamment d'énergie vitale, notre entité du monde de la mort, par le biais de l'individu, va être capable de créer un phénomène vital à même énergie vitale de l'individu, le rendant encore plus sensible, donc il va plus entendre, il va mieux voir, mieux sentir, plus se faire ramasser. Et cette énergie vitale va être capable de récupérer l'énergie vitale de la maison. S'il y en a suffisamment, ça va maintenant essayer de créer un corps physique. Parce que l'énergie vitale densifiée devient de la matière. Mais la matière densifiée n'est pas suffisante. Il n'y a pas suffisamment d'énergie vitale. On aura un ectoplasme plus ou moins liquéfié, fondant. Il y aura des morceaux qui vont tomber. C'est, là, encore une fois, notre entité. Il provient du monde de la mort, par le canal réincarnationnel, par le biais de l'humain, il est capable de se créer des mécaniques extérieures. Mais ça provient toujours du monde de la mort. La majorité sont dans le monde de la mort, sauf que certains, lorsqu'ils meurent, ne vont pas immédiatement dans le monde de la mort parce que leur corps astral est trop pesant, c'est-à-dire trop attiré par la matière planétaire. Et normalement, ce sont des corps astrales qui vénèrent la matière, ou vénère tout ce qui se rattache à la matière, donc ils sont soit arimaniens, soit sataniens, reliés à la luxure ou aux jouissances matérielles, donc pas assez lucifériens. Et à un moment donné, à travers le temps, ils seront digérés de toute façon, ce qui fait qu'après un certain laps de temps, l'entité qui hantait l'endroit finit par disparaître. Quand tu achètes une auto usagée ou une maison de quelques années... Tu achètes le karma qui va avec. Comment tu fais pour t'en débarrasser? À part mettre le feu dans la maison? Mais est-ce qu'il y a un moyen physique de mettre le feu à l'automobile ou à la maison, ça purifie, ça c'est parfait. La vendre à quelqu'un d'autre, c'est mieux? Oui. Maintenant, ce qu'on peut faire, il faut nécessairement qu'on, si possible, qu'on lave la maison. On la repeinture au complet. On change énormément de choses, c'est-à-dire qu'on doit absolument digérer la maison, c'est-à-dire que la maison doit maintenant faire partie de notre conscience. La transformer. Oui, on doit exprimer notre visualisation de l'esthétisme, donc l'onde de forme qu'on a besoin, qui est notre personnalité, doit maintenant transparaître dans la cabane. Sinon, l'individu qui était là, les mémoires des individus qui ont été là, qui ont habité la maison, restent toujours là, et dans le sommeil, dans la nuit. Si ça se chicanait régulièrement là-bas, lentement, la famille va commencer à chicaner. Il y a une incidence majeure. Est-ce qu'ils ont besoin d'être décédés ou pas? Juste avoir ça n'a rien à voir. Décédés, s'ils ont vécu les 30 ou 40 ou 50 dernières années-là, il y a des fortes chances qu'une grande partie de leur mémoire reste là. Donc, la maison est nécessairement hantée. Pas nécessairement hantée au point de bouger des objets, mais suffisamment pour que les individus essaient de faire fuir les personnes qui viennent de l'acheter. Donc, ça rend les individus normales. Ils digèrent mal, ils sont malades, ils vibrent mal, ils ont pas hâte d'être là, ils préfèrent être dehors, etc., etc. Et à un moment donné, si la personne décide de changer la maison, il y aura nécessairement, normalement, il y aura des résistances majeures qui vont faire que tu auras la mine à terre, tu seras violent, agressif, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. On va te manipuler à acheter une peinture qui prend 20 couches pour arriver à colorer ce qu'il y avait là. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ils vont t'empêcher de déménager. Ils vont t'empêcher de changer la maison. Si tu achètes une maison où, par exemple, il y a eu un divorce, ou des divorces, ou en tout cas, disons qu'il y en a eu d'autres qui seraient fait manipuler aussi, est-ce que théoriquement, tu serais tenté de divorcer ou manipuler? Tout est possible. C'est que ça serait aussi ça vrai? Ça dépend de l'individu, ça dépend des murs de maison, ça dépend de bien des choses. Il faut être solide pour... ou changer, modifier. Une maison en pierre, c'est moins pire. S'il n'y a pas trop de bois à l'intérieur, il y a un paquet de facteurs. Ça veut dire qu'habiter dans un bloc appartement qui date de 35 ans, ça peut être assez compliqué. C'est habituellement très négatif du point de vue écolo et écologique familial. C'est assez pénible. Fait qu'une maison privée, c'est moins pire qu'un bloc? C'est moins pire qu'un bloc, oui, beaucoup. Surtout dans les blocs en carton. Les blocs Lego. Le 5 mai, j'ai fait une colère mentale durant 20 minutes. Ensuite, 3 heures de relaxation mémifiée. Pourquoi ces phénomènes suivants ont-ils eu lieu? Premièrement, au début de la relaxation, quelque chose a pénétré tout le corps comme un effondrement. Énergie vitale qui se replaçait. Deuxièmement, l'objet rangé toujours de la même façon a changé tout seul de place. Énergie vitale encore. Troisièmement, au centre d'achat, je me suis vu marchant dans une direction à 2 endroits en même temps, niveau du métro et au rez-de-chaussée. Une bilocation de conscience, puis développement de la préscience. Quatrièmement, le soir, en me couchant, j'ai senti un tourbillon de masse énergétique lourde poussant sur le cerveau. Oui, c'est un travail au niveau de la glande pinéale. Encore une fois, facteur vital. Cinquièmement, par période, une sensation de ne plus reconnaître et d'être étranger dans le corps que j'habite, et je me suis même plus sûr d'être moi, je m'y reconnais à peine. Phénomène mental, habituellement, il peut être associé à un phénomène astral, mais normalement, c'est un phénomène mental qui est en train de rectifier l'ego. Nécessairement, la personne peut avoir des difficultés à revoir. Quand je dis souvent en séminaire qu'à un moment donné, vous allez devenir les habitants d'un corps physique, et vous allez voir qu'il y a un autre locataire qui est un virus qui est l'arme, c'est réellement habitant d'un corps. C'est pourquoi que là, quand on commence à envisager l'évolution sur 400 ou 500 ans, ça devient extrêmement facile à envisager, à conscientiser, ça devient logique. On ne voit plus le corps comme étant une partie intégrale de notre conscience. Donc, tout ce qui est arrivé à date, là, ça semblait être le 5. Jusqu'à date, c'est bien correct. Le 5 mai, parce qu'à date, je veux dire la date, l'autre, c'est le 8 mai, donc 3 jours plus tard. Au travail, je titubais comme si j'étais ivre, je n'avais plus le goût de travailler ni de parler. Depuis? Trop d'énergie vitale, puis début d'étranglement du canal réincarnationnel. En conférence, des fois, les personnes qui viennent pour la première fois dorment, d'autres sont figées sur leur chaise, ça prend un bout de temps avant d'arriver à se lever, et de temps en temps, une personne peut aussi tituber, si on parle d'énergie vitale, il y en a trop. Depuis un mois, quelque chose pleure en moi. Semblerait que l'astral se cherche, qu'en est-il en réalité? Votre ego se cherche un dieu. Ce Dieu, c'est votre mental. La seule chose qu'il y a, que j'ai déjà dit souvent, que je répéterai, je crois, encore longtemps, c'est que pendant des milliers d'années, l'homme a joué qu'il était Dieu. Et alors qu'il le devient, il croit encore qu'il joue. Et c'est un danger. C'est évident que l'ego peut n'importe quand te récupérer et te faire jouer le jeu qu'en réalité, tu étais en train de faire dans la réalité où tu ne le jouais pas. Il y a toujours donc ce danger, même si ce qui a été vécu ici est convenable, même bien. Il y a toujours l'ego à côté, le maudit ego, qui expérimente tout cela et qui, à un moment donné, va vouloir jouer le jeu en parallèle avec le développement du mental. Donc, l'individu qui a vécu ce qui vit cela est bien correct. L'ego se cherche un dieu. Le Dieu peut être une antenne supramentale, le Dieu peut être le mental de l'individu, mais pour cela, il faudra que l'ego finisse par accepter que le mental, ce n'est pas lui, c'est déjà un peu vécu. Parce que si l'ego pense que le mental, c'est lui, l'ego n'acceptera jamais d'être son propre Dieu. Il va se dire, voyons donc, si je me suis pas créé moi-même, je suis un imbécile, je suis un cave. Pour l'ego. Alors l'individu est sur un chemin extrêmement intéressant, la seule chose qu'il y a, c'est qu'elle doit se tenir en garde comme on doit toujours se tenir en garde, pas plus. L'humain ne doit pas, il n'y a pas de temps où l'humain doit être un peu plus attentif. Mais il y a des temps où l'humain ne peut pas se payer le luxe d'être un peu moins attentif. Il doit rester attentif. Alors effectivement, il y a un ego qui pleure, un ego qui, à un moment donné, va être instrumental par le rectificateur de pensée d'une vision plus ajustée du monde. Et le monde, quand on le voit ajusté, c'est laid. C'est merdique. C'est... Et même si l'individu n'a pas tous les mots, il y aura nécessairement un enfant quelque part qui va pleurer quelque part dans l'adulte. Et il y a le mental qui doit, lui, se réveiller, se prendre en main, commencer à instruire l'autre en bas, puis travailler de façon super écologique, en ne s'occupant jamais de la vie d'autrui, c'est-à-dire qu'il peut préserver la vie, mais il ne doit pas se missionner dans aucun acte que ce soit. C'est plus nécessaire. Il peut se prendre en main et, encore une fois, il peut aussi donner à son ego le luxe d'avoir temporairement, les dieux c'est au temporaire, un autre dieu, ça peut être une antenne, ça peut être un livre, ça peut être quelque chose. D'autres questions que tu avais mis de causer tantôt? Ézéchiel. Est-ce que tu connais Ézéchiel? Non, on n'était pas dans la même classe. Moi, j'étais dans les mésadaptés socio-affectifs. Ah bon, ben Ézéchiel était un mésadapté divin. Bon, alors explique la montée d'Ézéchiel dans le ciel. C'est qui Ézéchiel? Oui. Oui. C'est lui? Ézéchiel, c'est un personnage qui a eu un rôle relativement intéressant à jouer dans le passé. C'est une cristallisation descendante d'une mécanique ascendante. Je vais résumer, là. Il faut juste que je trouve les branchements où on a caché les phénomènes ézéchieliens. Alors, Ézéchiel, c'est un extraterrestre qui est arrivé à travers une structure suffisamment séraphique, par transport séraphique. Ézéchiel ne provient pas de notre galaxie. J'ai déjà expliqué, à un moment donné, dans une conférence réservée aux séminaristes, qu'il y avait différents mondes évolutionnaires qui étaient tributaires de notre monde à nous, et qui, lorsque nous évoluions supramentalement, venaient puiser notre énergie supramentale ou vitale pour pouvoir évoluer à leur propre rythme. Donc, on arrive toujours à un moment donné où on comprend, puis on dirait qu'il y a une valve qui s'ouvre, et puis là, on perd de l'énergie, puis on ne comprend plus un bout de temps. Et qu'il y avait un moyen pour parvenir à couper ces ascendances, c'est-à-dire ces relations entre ces différents mondes évolutionnaires à travers les galaxies de cet univers local. Ézéchiel par transport séraphique. Le transport séraphique, c'est lorsqu'on a un double éthérique et qu'on est capable de projeter le double éthérique en avant. Cela crée un vide qui siphonne toute la matière du double éthérique vers l'avant. C'est une mécanique de déplacement qui n'a pas de correspondance sur le plan planétaire, mais c'est un transport qui permet à un phénomène existentiel, donc qui existe, qui n'est pas expérientiel parce qu'il ne vit pas d'expérience, donc de mémoire, de pouvoir se déplacer à une rapidité, une vitesse beaucoup supérieure à la vitesse de la lumière, qui, comme on le sait, est limitée à près de 300 000 km à la seconde dans notre monde. Alors, Ézéchiel est arrivé dans le contexte planétaire strictement dans le but de consolider des canaux. Je ne dis pas des canaux, ce sont des canaux. Oui, pour consolider des canaux, des mécaniques uniques exprimées d'une façon pluralitaire pour pouvoir rejoindre son monde au monde planétaire, étant donné que de toute façon certains phénomènes melchisédiens devaient passer sur l'échelle planétaire dans un des contextes plus refroidis, étant donné aussi qu'à un moment donné, un phénomène michaélien qu'on appelle le christique, donc où il y aurait des corps génétiques capables de supporter pour la première fois depuis 15,5 milliards d'années de l'intelligence supramentale. Ça a été le cas, en l'occurrence, de Jésus, le fils de Joseph, et quelque peu avant lui, le fils de Jean, pas le fils de Jean, mais Jean, le fils de Marie, Jean qui va devenir le Baptiste. Alors, il y a eu donc, dans cette antiquité, une descente d'Ézéchiel pour venir placer dans la structure archangélique et archétypal du monde de la mort, des mécaniques, pour obliger par la suite des contacts entre le phénomène supramental et le phénomène ézéchielien, donc les mondes où sont reliés les canaux. Cela veut dire qu'à partir d'un certain laps de temps, lorsque l'intelligence fondamentale descendra dans le contexte planétaire, à un niveau d'exploitation humaine de l'intelligence fondamentale, une grande partie de l'énergie fondamentale va être canalisée vers le monde d'Ézéchiel. Alors, c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, Ézéchiel doit donc retourner. Il est revenu plus qu'une fois sur le contexte planétaire et ce bonhomme va posséder dans la matière suffisamment de connaissances expérientielles maintenant qu'il est planétarisé pour arriver à engendrer un corps de chair qui va ressembler dans la forme à ce qui existait à l'époque. Et à un moment donné, lorsqu'il va éthérifier ce corps de chair, donc en créant faire un corps éthérique, un corps de lumière, par la suite, il va simplement redevenir le double éthérique qu'il était. Et par transport séraphique, évidemment, il y aura une ascension qu'on décrit comme on peut le décrire. L'énergie vitale est extrêmement radioactive et extrêmement fulgurante. Et à un moment donné, la mécanicité ézéchielienne va retourner de là d'où elle est venue, les canaux étant accomplis et l'intelligence fondamentale qui devait descendre ayant eu un contact avec la mécanicité d'Ézéchiel, Ézéchiel retourne. Maintenant, si on prend le langage visuel, le langage phonique de l'humain de l'époque pour décrire la montée d'Ézéchiel ou son apparition, nécessairement, ça va être relativement parabolique, la forme de description. Si on se reporte maintenant quelques milliers d'années plus tard dans le futur, aujourd'hui ou il y a quelques années, et qu'on lit ce qui a été écrit sur la montée d'Ézéchiel, en fonction des connaissances qu'eux avaient, ils ont décrit. En fonction des connaissances que nous avons, nous allons maintenant interpréter. Mais notre interprétation, l'interprétation que l'humain va appliquer sur la description de la montée d'Ézéchiel, est une interprétation qui est limitée par la connaissance expérientielle de l'homme et par les désirs de l'ego de projeter une connaissance méconnue dans une logistique plus ou moins émotive d'une mécanique. Alors, si on a besoin d'extraterrestres, on pourra facilement, interpréter qui a été décrit comme étant des mécaniques qui auraient une certaine allure si on aurait un vaisseau spatial extraterrestre qui fonctionnerait avec des tuyères ou qui fonctionnerait avec une énergie super magnétique. On pourrait comprendre. Mais il y a beaucoup de vaisseaux extraterrestres qui existent, qui se promènent de temps en temps dans notre contexte, qui fonctionnent simplement en recourbant la matrice temporelle et spatiale de notre monde pour pouvoir se créer un canal très attractif où il circule dedans. Dans la majorité des vaisseaux matérialisés extraterrestres, si on accélère immédiatement, on ne sent pas l'accélération dans le vaisseau, parce que le vaisseau est totalement désassujetti de la gravitation planétaire, donc il n'y a pas, en réalité, c'est la Terre qui subitement se met à tourner, du point de vue de l'habitant du vaisseau, alors qu'il n'y a pas d'accélération, il ne bouge pas lui, de son point de vue. De notre point de vue, nous ne bougeons pas, c'est lui qui bouge. Ce qui leur permet de faire plusieurs choses, enfin bref. Si on veut comprendre donc la montée d'Ézéchiel en fonction du peu de connaissances que l'humain a de la mécanicité cosmique, ce sont des extraterrestres. Si on veut comprendre la mécanicité ézéchielienne à partir d'un point de vue plutôt cosmique, c'est un transport séraphique, c'est extraterrestre en fonction du fait que ce n'est pas terrestre de sa provenance, mais ce n'est pas une mécanique extraterrestre dans le sens où bien souvent les raéliens ou les êtres humains moustaches ou d'autres personnages veulent visualiser le phénomène extraterrestre. Alors c'est extraterrestre comme ma conscience est extraterrestre parce qu'elle ne provient pas du plan planétaire, donc elle est même du neuf, mais ce n'est pas extraterrestre dans le sens où tu bébé ta poêle la forme. Actuellement, il y a un corps physique. Ou des corps physiques. Non, Ézéchiel, présentement, n'est pas sur le plan planétaire. Il est dans un corps qui est en train de se physifier, c'est-à-dire qu'il est dans un corps en planétarisation dans la galaxie, dans le monde où il vit. C'est-à-dire qu'Ézéchiel est présentement proche de ce que nous étions il y a de cela 3 milliards d'années. Et c'est pourquoi le contact a été établi avec nous. Bon. Pendant que nous sommes descendus d'une vitesse très intéressante. À une vitesse telle que nous avons même laissé la chaleur en haut. Alors, on s'est refroidi en masse. Et Ézéchiel descend par la suite. Ézéchiel vient établir des contacts vers le monde où l'énergie est en effusion. Nous sommes présentement en fusion, alors que lui, il termine son effusion. Alors, présentement, il y a des canaux qui sont créés. Lorsque l'humain devient supramental, lorsque l'humain devient bilocalisé dans sa conscience, lorsque l'humain devient un être extraterrestre terrestrifié ou un être terrestre extra supramentalisé, Lorsque l'humain est capable d'avoir un contact supramental suffisamment puissant pour engendrer le transport séraphique, nécessairement, il ira maintenant à son tour par le canal qui était engendré par Ézéchiel, aller sur ces contextes maintenant très involués. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est un facteur d'involution dans une mécanique ou de descendance, dans une mécanique d'ascension ou d'ascendance. Alors, présentement, Ézéchiel est pas mal plus évolué que ce que nous le sommes. Alors, c'est quoi l'avantage d'aller se connecter dessus? T'en as pas? Il y en a un avantage, c'est que la galaxie, c'est très limité. Nous avons la capacité mémorielle de cumuler toute l'expérience d'un monde galaxique à travers une génétique, disons, premièrement atomique, corporelle et finalement énergétique, supramentale, bouddhique et intentionnelle. Mais il y a d'autres mécaniques comme nous qui, à travers le reste de la création, donc dans d'autres galaxies, dans d'autres univers, dans d'autres super-univers, il y a des mécaniques qui font le même travail que l'homme, c'est-à-dire qui sont là pour récupérer l'expérience de la création, pour finir par gérer la matière et le temps, de façon à ce que l'univers et la création n'aient jamais existé, ce qui, de toute façon, est déjà accompli, mais pour nous, c'est encore à accomplir. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que quand l'être humain est rendu à un niveau particulier, il va maintenant avoir la capacité d'aller récupérer d'autres mondes par des traces qui ont été laissées. Alors, c'est pas le même phénomène que... C'est le phénomène inverse que l'humain a connu. Lorsque l'humain est descendu, il y a énormément d'entités hiérarchisées du point de vue des phénomènes célestes et cielestes qui venaient donner d'informations à l'humain. Cette information-là, vu que ce qui descendait donnait d'informations se terrestrifiait en même temps, l'information finit par être totalement faussée, ce qui engendre la vérité. Lorsque nous sommes totalement rendus en bas, nous sommes coupés des contacts des hiérarchies descendantes. À un moment donné, la vérité, donc la coloration de la réalité, finit par être interprétée par l'expérience astrale de l'homme, c'est-à-dire que l'humain, vivant son expérience sur le plan planétaire, engendre des mémoires maintenant qui ne proviennent pas des galaxies ou des univers ou des super-univers ou de l'extra-créationnalité. Cette expérience colore la vérité et engendre le mensonge. Maintenant que nous sommes capables de digérer, que nos génétiques sont capables de rejoindre des contacts supramentales, il y a maintenant terrestrification d'énergie à un niveau supérieur, donc au niveau supramental. L'humain est maintenant capable de s'en servir. Pendant ce temps-là, à l'échelle du reste de la création, il y a d'autres mécaniques qui ont vécu la même vécue, qui ont expérimenté le même facteur involutif que l'homme. Et nous allons, dans un temps relativement proche, être les hiérarchies qui allons aller travailler avec les autres peuples plus involués, qui, dans une forme d'antiquité, ont été des hiérarchies qui travaillaient pour nous. Qu'est-ce qui est arrivé à Merlin? Qu'est-ce qu'il a fait à Merlin? Qu'est-ce que c'était Merlin? Merlin a libéré le dragon. Et dans un contexte tellurique où rien ne se perd, rien ne se crée, Merlin est devenu la Terre. Est-ce qu'il venait de la Terre? Est-ce qu'il était la Terre et redevenu la Terre? Merlin était la Lune. Et le dragon était la Terre. Excalibur était le trait vital sur lequel Merlin s'est déplacé pour venir visiter la Terre. Et il y avait à cette époque plusieurs choses. On verra si on peut en parler, mais... Et à cette époque, Merlin, à un moment donné, pour être capable de se terrestrifier convenablement, a exigé, enfin, a manipulé certains phénomènes pour permettre à un roi d'un peuple divisé, l'Angleterre, d'avoir une relation sexuelle avec une femme intéressante du point de vue génétique, et cela engendrait un enfant super solide, un enfant investi du dragon et de Merlin, parce que le dragon, la terre, l'énergie tellurique belzébucienne a été nécessaire, donc elle a été libérée. Merlin n'a à peu près pas pu pénétrer l'enfant parce que le dragon l'a pénétré. Cet enfant va libérer Excalibur plus tard, et il sera connu sous le nom du roi Arthur. Il rencontrera Merlin déguisé dans un bonhomme qu'on appellera Lancelot. Merlin va disparaître et va revenir plus tard pour redisparaître encore. Il revient pour réparer Excalibur lors de la rencontre de Lancelot, mais il y aura plusieurs problèmes à ce niveau-là. Lancelot va être massacré par une femme. La femme, c'est un grand vecteur d'astralité planétaire. Ce n'est pas négatif, mais c'est pénible, c'est difficile pour un phénomène extraplanétaire de résister longtemps à une agression de l'énergie féminine. Quand je parle d'agression, c'est positif pour l'humain, mais c'est une agression pour lui. Alors, Lancelot va finir aussi par pourrir. Et finalement, c'est un serviteur des plus petits qui va, Perceval, qui va à un moment donné vouloir ramener l'énergie belzébutienne dans la Terre, ramener Merlin sur la Lune, et si possible, rechercher l'énergie christique supramentale qui, théoriquement, aurait coulé dans une coupe lorsque Longinus a planté une lance dans la côte du Nazaréen. Alors, c'est du sang qui a été récupéré par la coupe. Alors, Perceval va maintenant se lancer à la quête du Graal. Arthur va mourir. Et aujourd'hui, de cette légende extraordinaire, ben, il reste encore la table ronde des chevaliers en Angleterre. Et il reste encore des traces. Et j'ai déjà expliqué aussi, à un moment donné, en conférence spéciale, qu'une grande partie de la vie de Merlin, d'Arthur et des chevaliers de la table ronde, donc de Lancelot, s'est fait dans une planète Terre parallèle, donc dans un monde parallèle à la nôtre, où il y avait suffisamment de connexions à travers les mécaniques parallèles pour qu'une grande partie de l'épopée de Merlin, d'Excalibur, de Lancelot, de Perceval, du Graal, etc., se vive sur la Terre, alors que la majorité s'est vécue sur cette autre planète, qui est une Terre ou une anti-Terre. Étant donné que ça s'est vécu dans ces deux mondes parallèles, il y a donc maintenant des traces de cela ici, bien qu'historiquement, on ne peut pas comprendre. Bon, Arthur a-t-il existé? On ne le sait pas, mais la table ronde a existé. Lancelot a-t-il existé? Oui, on a des preuves. Il manque donc des éléments, mais ça s'est vécu dans deux mondes différents, sur une Terre et sur une anti-Terre. C'est pour ça qu'on appelle ça une légende, parce qu'on n'a pas toutes les traces concrètes sur la Terre? Non, on appelle ça une légende parce que ça fait partie de l'histoire archétypée dans la conscience de l'humain. Et ça s'est communiqué de bouche à oreille. Et on n'a pas historiquement, effectivement, de traces réelles. Mais on n'a jamais... Une légende, on ne veut pas trouver de traces réelles. Donc, ça finit par être une légende où, finalement, on se compte des histoires. Mais les légendes sont habituellement des choses totalement vraies entre le plan belzébutien, comme les lutins, les farfadets, les gnomes, les hobbits, etc., ou des mélanges entre la Terre et l'Antiterre, entre des mondes parallèles, où les deux y ont goûté, et puis ça laisse des traces qui, finalement, on assemble en histoire pour la transmettre. C'est une légende. Merci. Alors voilà, la semaine prochaine, il y a une conférence. Je ne sais pas c'est quoi le sujet. En aucune idée non plus. Et puis c'est ça. En attendant, bien, faites attention à la pluie. Elle est acide. Bonne semaine.